Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a averti les États-Unis le 26 courant dans son discours prononcé à la Réunion pour la sécurité internationale de Moscou que le projet recourant à la force dans la péninsule coréenne leur engendrera des conséquences catastrophiques. Il a dit que les démarches militaires intensives des États-Unis et de leurs satellites, menées sous prétexte de la menace de la Corée du Nord, aggravent la situation dans la péninsule coréenne et provoquent de sérieuses inquiétudes. En déclarant que la disposition de SAD en Corée du Sud des États-Unis est un élément d'instabilité extrême dans la péninsule coréenne, il a souligné qu'il est évident que le projet recourant à la force qui a commencé à circuler ouvertement déclenchera les conséquences catastrophiques dans l'ensemble de la région d'Asie Nord-Est. Le même jour, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Katilov, a dit lors d'une interview accordée à Genève, Suisse, que la Russie exprimera lors du débat du problème coréen prévu le 28 au Conseil de sécurité de l'ONU sa position qui n'admet pas les exercices militaires américains. Précédemment, lors d'une interview, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Lapkov, a répondu à la question sur le corps de frappe du porte-avions nucléaire américain qui se dirige vers la péninsule coréenne, que son pays appelle une nouvelle fois de plus, tout comme les autres pays de la région, les États-Unis, à se conduire logiquement.